Bonjour à tous. Aujourd'hui, flan au thon pour 4 personnes. 200 g de thon en boîte égouttée, 3 œufs, 20 cl de crème entière liquide, 1 cuillère à soupe de moutarde forte, une échalote hachée, du persil ciselé, sel et poivre et un peu de beurre pour les 4 moules. Cassez les œufs dans un saladier, les battre avec la crème, puis ajoutez le thon, l'échalote, le persil, la moutarde et assaisonner. Versez dans des moules beurrés. Cuisson au bain-marie 180 degrés 25 à 30 minutes. Laissez tiédir avant de démouler. Se sert avec une salade mêlée, un petit vin conseillé, Valet du Paradis blanc, à boire avec modération.